Thanatos a invité, Thanatos a dîné. Ce vieux couple maudit s'ennuie parfois le soir. Aussi décident-ils lorsqu'ils sont avinés de discuter du sort des amants dans le noir. Les rois aimeraient bien réchauffer le foyer. Des amoureux transis, bercés de désespoir, en allumant en eux un immense brasier qui brûlerait toujours éternel encensoir. Thanatos se souvient que tout a une fin. Les cœurs coupés en deux meurent et sont enclins à expulser leur sang pour mourir de paresse. Pour mourir de paresse. Implacable lutteur qui combattait toujours, bercé d'un éternel roulement de tambour. Vous savez bien que tout recommence sans cesse. Vous savez bien que tout recommence sans cesse. Eros a invité Thanatos à dîner. Ce vieux couple maudit s'ennuie parfois le soir. Thanatos se souvient que tout a une fin. Les cœurs coupés en deux meurent et sont enclins.